on a chacun son tour. Ça a chancé dans la vie, ça a chancé dans l'amour. Je me rappelle encore de ce parfum que le vent ramassait sur les champs de jasmin. Je me souviens des rues